de son village, il était le plus grand. Arthur, fier paysan, avait hérité des terres de ses parents. Nuit et jour, il s'entraînait, ne prenant de repos pour aiguiser sa lame. Pour enfin devenir noble guerrier, pour fendre des flammes. Son sommeil était troublé par un rocher, une légendaire épée. Les dieux semblaient avoir pour lui prévu dans le secret une étrange destinée. Les anciens sont rassemblés, tentant de l'empêcher, ce n'est que pure folie. Les visages sont fermés, son cheval est scellé, il est déjà parti. Abandonnant ses biens, il n'a qu'épée en tête. Malgré les occupants romains, les bandits de grand chemin, il poursuit sa quête. Et traversant les torrents, l'hiver approchant, rien ne peut l'arrêter. La neige et le froid mordant, la fatigue et le vent, tueur le destrier. Une destinée biblique, un pouvoir unique, le héros est fabré. Près du rocher il vit, un autre que lui, brandir Excalibur. On s'excuse d'avoir écrit cette chanson sur lui, on s'est gouré d'Arthur.